Nous, on a voulu travailler sur les allées de romantique qui se trouvent au quartier du Musée. Nous avons nommé notre projet Interaction, puisque en fait, on veut travailler avec la Terre. C'est-à-dire, on a constaté qu'il y avait plusieurs espaces disponibles, mais pas utilisés au final. Et puis, on voudrait apporter en fait dans ce quartier qui était plutôt enclavé, en fait clos, et les espaces étaient particulièrement fermés, quoi, et, enfin privatisés. On voulait apporter de la curiosité, puis créer des espaces conviviaux, surtout devant l'école, et jardin partagé plus vers la maison de retraite, vers là-bas. Et du coup, voilà, on a nommé notre projet Interaction parce que on trouve qu'il manquait un peu de sociabilité dans ce quartier-là. Et puis cette allée de romantique représentait une ambiance plutôt monotone en dehors des horaires des écoles où les enfants ils jouent dans la cour. On entend bien les échos. Et puis on s'est dit pourquoi pas on crée une. Alors là, on voit l'école. Et en fait, on a aussi parti d'un constat que les voitures qui passaient par là, ils étaient en fait, ils s'arrêtaient au milieu de la route pour récupérer leurs enfants, mais il n'y en avait pas tant que ça en fait. Les gens, ils venaient plutôt à pied. Puis on voulait rendre cet espace seulement accessible aux piétons pour que en fait, les gens puissent circuler en sécurité. Et c'est ce qu'on ne trouve pas maintenant. Et puis les gens, ils viennent, ils prennent leurs enfants et puis ils s'en vont. Et puis nous, on se dit, bon, bah, on va cultiver d'un côté. Et puis là, on va créer un café, genre quelque chose de 9, enfin, maximum 9 mètres carrés, qui va permettre de se rassembler en fait, en attendant les enfants. Et puis créer des modules en cabane à l'échelle de Corse, pour se poser tranquillement et discuter avec des gens qui viennent attendre leurs enfants. Voilà, des choses. Après, on avait pensé aussi modifier les matières du sol en créant différents espaces, que ce soit de la pelouse, des graviers, des espaces jardinés, et puis des espaces à hauteur pour jardiner aussi. Après, un autre point important, c'était de créer des percées pour la porosité dans les deux sens, parce que là, c'est dans un seul sens. Donc, on voulait casser le schéma, les murs, pour permettre qu'il y ait une circulation du son différente et puis qu'on puisse entendre l'école aussi de la cour à l'extérieur, enfin la cour de derrière, le bâtiment. Donc, on a un deuxième son qui modélise un peu ce... cette résonance arrière, on peut vous faire écouter. Évidemment, c'est basé sur plus ou moins un seul son qui va s'éloigner. Et puis ensuite, on va tourner vers la rue. Donc, ça ne rend pas compte de l'intégralité de l'ambiance sonore, mais seulement d'une des matières. Là, on passe dans la rue, petit à petit, dans la cour. Ouais, le trajet, c'est de devant la cour. On passe à l'intérieur du tunnel qu'on a créé dans l'esquisson. Puis on retourne dans la cour intérieure vers la rue. C'était le constat, c'est qu'on a constaté que l'allée romantique, c'était du point de vue de configuration urbaine, c'était un structure un peu linéaire, une perspective accentuée. La question de l'espace public et l'espace privé, c'est vraiment toute une distinction entre les deux espaces. On trouve un meuble juste à côté, 7 mètres d'espace de jardin qui n'était pas utilisé, partagé comme ça. Et juste un petit passage piétonné comme ça. Et après, on a. Alors, c'était la configuration générale de la ville. Du point de vue sonore, on a constaté qu'il existe une certaine homogénéité sonore. C'est du calme, mais avec une émergence un peu de. Le son qui marque un peu, c'est le son de l'école, le moment de personnes qui récupèrent les enfants. Alors on a pensé de travailler sur trois choses. La première des choses, c'est de casser cette monotonie de la rue et de créer ce qu'on appelle un rythme sonore créé par trois moments, et trois scénarios, et trois moments, c'était des espaces de jardin, c'est des jardins partagés, mais au milieu, c'était un espace animé, un espace de convivialité. Et puis on a travaillé un peu sur la question des seuils de porosité sensible, parce qu'on a éliminé complètement la question des voitures, juste cette partie, cette zone, c'était complètement autonome. On a pensé de créer un peu cette porosité sensible, de traiter les interfaces entre public et privé. C'était dans ce sens, c'était qu'on a créé, ça devient un peu dynamique, des seuils sensibles, une certaine porosité sensible, des espaces de partage, un petit espace animé mais avec des dispositifs. Allez, c'est un peu très intime pour ne pas vraiment casser le calme qui marque l'objectif de notre travail, c'est dans ce sens. Et donc les dispositifs, c'est des outils modulables, des constructions en bois et modulables aussi. Ça dépend de saison, ça dépend d'utilisation. C'est pas quelque chose fixe qu'on oblige les gens de l'utiliser comme ça. Non, c'était un vaste choix des gens. C'est dans ce sens qu'on va essayer de. Plus des cabanes fermées, peut-être juste en forme de aile, parce qu'il y a du vent en fait. On constate qu'il y avait vraiment du vent. Et c'est vrai que même le moment de prise de sang, on en avait pas mal. Et on se disait, du fait qu'on ne peut pas tout fermer, on peut peut-être créer des micro-échelles à l'intérieur pour que les gens puissent se poser un petit peu dans la tranquillité. Et puis donc, par rapport à ces guérites là, qui s'ouvriraient ou se fermeraient quand on veut, on a essayé plus ou moins de recréer ce son artificiellement avec... en prenant un son semi protégé, mais quand même dans l'espace public. Bon, alors ça, c'était, je pense que vous n'avez pas forcément entendu. Peut-être difficile à mettre en place, mais bon, on a essayé de faire ça. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Non, ça va. Moi, c'est vrai que c'est vraiment un espèce circulé, carrossable. C'est toujours un peu le rêve, ou en tout cas l'utopie des aménageurs. Ça. Après, en général, c'est peut-être me tourner vers vous, parce qu'en général, on se rend compte que les usagers, c'est pas forcément ce qu'ils veulent non plus. Les routes. J'allais intervenir là-dessus, parce que ce que vous présentez comme l'avant de l'école est en fait l'arrière de l'école. Parce que si vous regardez le plan, vous avez ce qu'on appelle le chemin de Marianne, qui est un double clin d'œil, c'est-à-dire c'est les caprices de Marianne, de Alfred de Musset. Mais c'est aussi Marianne, c'est la République, l'école de la République, etc. Et je crois qu'au départ, l'idée était de faire l'entrée de l'école sur cet espace-là, qui est un espace public, qui est absolument inexploité, qui est extrêmement préservé, et qui aurait pu, effectivement, on avait des projets, il y avait autrefois une magnifique roseraie, il y avait des rosiers magnifiques, qui, pour des raisons d'entretien, ils ont retiré en septembre dernier, je crois. Et c'est un espace, c'est un des rares espaces publics extrêmement minéral par contre là-bas, et justement qui aurait pu être un espace de rencontre, et pour des raisons effectivement de proximité, de dépose des enfants, etc. Parce qu'effectivement on dit peu de voitures, mais ils se gardent juste sur et ils viennent de refaire aussi le coussin, le dodane. Ils viennent de le rehausser de façon à casser la réalité il y a deux mois. Donc effectivement, c'est intéressant de couper cet espace-là. Mais les urbanistes pensent, les usagers, ils utilisent. Mais j'imaginais l'ambiance sonore au chemin de Marianne si c'était effectivement à la sortie. Et ça, c'était la question. Et vos guérites, elles seraient comment ? J'ai pas bien compris l'affaire des guérites. Il y en a qui isolent. En fait, on s'est un peu de guérites. Alors, en fait, on a pensé guérites, oui, c'est comme une petite cabane. C'est qu'en fait, on a par exemple. On a vu avec Grégoire Chelkoff une structure d'arrêt de bus. Ah, c'est ça, l'échelle des corps humains, c'est donc ça permet de s'isoler des formes à la fois du son et à la fois des gens. Ouais, voilà. Il pourrait y en avoir une sur tous les petits blocs. Il y en a qui servent juste à s'asseoir, puis il y en a une. On l'ouvre et puis ça sert pour servir un café, par exemple. Peut-être. Peut-être pas. C'est-à-dire que dans la journée, on peut servir des cafés, des boissons toute la journée. Voilà. Oui, c'est ça. C'est des choses qui se... Voilà. Alors, vous imaginez que c'est Eric sans mobile. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas aussi. C'est un collage. C'est un collage. C'est un collage. Les emplacements, ça se reste un peu... discutable, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est surtout que ce petit, la zone avec ces pavés blancs, là, pavés, elle est quand même très occupée pendant presque 30 minutes, et les gens restent en fait comme ça, plus ou moins occupés. Avec les beaux jours, ils pourraient rester aussi plus longtemps. Enfin, voilà, c'est des choses à imaginer. Et c'est l'aménagement postérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que c'était devenu l'entrée, la sortie de l'école, etc., aussi, parce que c'était le village olympique qui venait, donc c'était plus près, etc. Mais ça a été réaménagé, réélargi. Oui, bien sûr, bien sûr. Changer peut-être complètement, peut-être casser la linéarité, mais créer des parcours plus à l'échelle humaine. Puis les gens qui veulent promener leur chien... puisse discuter avec aussi des agriculteurs, enfin des jardiniers, pas des agriculteurs, c'est un peu trop besoin, des jardiniers ou des gens normaux, enfin, c'est vraiment socialiste. Justement, cette histoire de l'appropriation de l'espace, après... Appropriation de l'espace. C'est très important, parce que quand tout est figé, après, c'est ingérable. Les gens, ils croient qu'ils sont prisonniers dans les normes, dans la conception, dans tout ça. L'histoire de modèle. Bravo, c'est ça, c'est bien dit là. Oui, oui. C'est la réalité. Les séminaires, ça c'est intéressant. C'est un outil de conception assez intéressant. Ouais, c'est ça. Mais après, revenons à la question du sol. En fait, le gravier, c'est un son très, très présent dans mon cours, dans la cour où j'habite. Mm-hmm. Et en fait, j'entends l'enfant en train de courir. Et ça fait vraiment tout le temps déplacer chez ma beaucoup de mémoire qui est évoquée. Et puis, donc je rentre, je me souviens de qu'est-ce que les enfants font, parce qu'ils ont quand même leur rythme, et quand on court vite, quand on se cache. Et puis après, je reviens aussi, qui a complètement une autre sonorité, où j'avais l'impression que même avec les matériaux de sol, on mixe le privé et le public, quoi. C'est parce que c'était un matériau qui se trouve dans les cours, quoi. C'est vrai. On peut associer nos deux projets. Ouais. C'est quand même intéressant de voir comment on a été frappé beaucoup par le calme d'aller les romancer et de minimiser, alors que c'est conçu comme quelque chose de mieux que le village. trouvera les documents que vous c'était les vignes, la nature en vie. La nature maîtrisée. Pas trop de place à la spontanéité, peut-être à des autres activités qu'on pouvait. Ouais. Mais bon. On entend des oiseaux quand même. Hein. On entend. Mais effectivement, quand on était sur c'était étonné, parce que quand on a vraiment fait la balade, c'était assez similaire des autres rues résidentielles. Mais pourtant, pendant l'été, on a avec les feuilles d'arbres et les chants des oiseaux, c'est quand même beaucoup plus animé que... Ouais. Et puis, il y a quand même pas mal des gens qui se baladent dans l'allée avec leurs chiens et tout, donc ça donne quand même une animation. Mais pendant l'hiver, on a l'impression que c'est la même chose, quoi. Il n'y a aucun changement dans l'ambiance sonore. Pourtant, l'espace est quand même différent. Mais l'allée des romantiques, l'ambiance sonore est complètement différente quand on est devant l'école. Oui. Voir parce que c'est relativement court, entre la rue Alfred de Musset et la rue Lorenzatio, et puis devant l'école. Et le dernier boulac, quand même, extrêmement, beaucoup plus sombre, déjà, et beaucoup plus enclavé. Et l'ambiance est complètement différente. Elle est plutôt aérée, le fait de l'école, etc., sur cet endroit-là. Elle n'est pas mal plus large, elle paraît plus... Et c'est vrai que l'ambiance est quand même totalement différente. À la fin, c'est un peu... Ça pèse un peu lourd, ouais. Oui, c'est très lourd. On a envie de rentrer vite. On a envie de... Si on avait des solutions sonores... Ouais. C'est vrai, c'est triste. Hein. Parce qu'il y a un bâtiment qui ferme aussi la vue, donc... Alors que... Après, ça se réouvre. Ça se réouvre quand, au niveau de l'EHPAD et d'espaces partagés, etc. Ça redevient un espace ouvert. Et là, il y a un endroit qui est... Enfin,